Ce soir, note la première émission régulière du Undead Incorporated Show Réanimation de 2017. Bon, régulière n'est possiblement pas le bon qualificatif, mais je suis trop large pour en chercher un autre. Est-ce qu'on rigole, Horace? Quoi qu'il en soit, cette véritable première édition de 2017 souligne quelques nouveautés métalliques qui, pour certaines, font démarrer l'année avec optimiste. Mais pour ma part, soyez assurés, je n'ai pris aucune pseudo-bonne résolution. Par contre, j'en ai pris des mauvaises, telles que de ne plus chroniquer d'albums, de films ou de séries télévisées en stipulant que ça ne m'a pas plu. Non, dorénavant, je démolirai systématiquement tout ce qui m'aura déplu, ne serait-ce que d'un poil. Je vais donc tout démolir. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin. Surtout lorsqu'il examine un patient pour une simple fracture d'un doigt et qu'il lui dit « Monsieur, il n'y a plus rien à faire. Nous devons tout reprendre à neuf. Et pour ce faire, je devrais vous démolir en entier et vous reconstruire. Mais ne vous en faites pas, puisque si le traitement vous achèverait en cours de processus, je vous réanimerai puisque je suis le Dr. Pendragon. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, que Sphere is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Go. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 7 février de l'an de disgrâce 2017. Je suis Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Ce qu'on vient d'entendre à l'instant, je l'avais dit la semaine dernière en fin d'émission, je n'avais pas pu conclure ma rétrospective. C'était la formation suédoise Sethlord qui occupe la 5e position de mon top 10 avec deux pièces tirées de leur premier album paru le 11 décembre 2016. 11 décembre dernier, finalement. Toxic Minds, façon indépendante. On a entendu la pièce à l'instant Die for Nothing et c'était précédé de Halt to Retribution, qui était l'introduction qui se poursuivait, pour ainsi dire, avec la pièce titre, soit Toxic Mind. Excellente formation, très, très, très bonne formation qui donne dans un trash death metal, mais qui allie un peu le petit côté cybernétique qui me plaît bien très souvent. Donc, Sethlord, c'est un titre à retenir et j'espère fortement qu'ils vont pouvoir nous produire autre chose dans le futur. Je dis conclure cette rétrospective Retro Undead 2016. Oui, d'une certaine façon, effectivement, je viens de le faire avec Sethlord. Mais il me restait quand même 5 titres que j'aurais aimé faire des mentions au niveau seulement, pas seulement au niveau verbal, mais bien en diffusant des pièces. Et je vais le faire à l'instant dans ce prochain bloc qui va constituer des groupes qui, pour certains, auraient probablement pu faire partie de mes choix affichés sur le site de réanimation AD.com. Mais je m'étais mis un maximum. J'ai tenté de le respecter et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, mais il reste qu'il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. j'ai rien dit. Dans ce prochain bloc, on va entendre la formation suédoise The Resistance avec leur deuxième album, un extrait de leur deuxième album paru le 22 janvier, soit coup de grâce. 22 janvier 2016, bien entendu. Et la formation est déjà dissoute. Elle n'existe plus depuis peu de temps. Donc, c'est dommage parce que c'est une formation fort intéressante. On va entendre aussi formation allemande Exhumer. Formation qui existe depuis 1985, qui en était seulement à leur quatrième album le 29 janvier. Je dis pas dernier parce que ça pourrait porter à confusion, mais bien 2016. On va entendre aussi un extrait du dernier album des Américains de Anthrax, For All Kings, qui était paru le 19 février dernier. Là, je peux le dire, c'était leur 12e. Motorhead. Et une pièce tirée de Clean Your Clock, qui était le... Ben, en fait, c'est la dernière parution. C'est un enregistrement en spectacle. Dernière parution de Motorhead. Bien entendu, puisque on sait tous que Lemmy Kilmister est décédé le 28 décembre 2015, malheureusement pour plusieurs d'entre nous. Mais bon, il a laissé un large héritage musical, donc on va entendre une pièce tirée de Clean Your Clock. Et on va conclure ce bloc, entre guillemets, mention, avec la formation suédoise Centenex, pièce tirée de leur 9e album, Doomsday Ritual. Sans plus attendre, allons-y avec The Resistance. Let's go! Yeah.

19h41. Ouais, je me suis laissé prendre par je ne sais pas quoi, donc j'étais pas prêt. C'est pas grave. On vient d'entendre avant cette pause. Bon, l'air commence encore à durcir. Hey, je regarde ça dehors, là. Faut vraiment que je vois le roi des cons pour être venu vous divertir ce soir avec tout ce qui se prépare comme température de fou dehors. Ouais, il y a juste moi pour faire ça. Rappelez-vous-en aux prochaines présidentielles. Votez pour moi. Mais si je suis élu, je vous jure que ça sera pas pire que présentement. Bon, OK. On vient d'entendre la formation Centenex, formation suédoise. Et Generation of Flies, qui est tiré de leur plus récent album paru le 8 juillet 2016. Le 8 juillet dernier. C'était leur 9e Doomsday Ritual sur Agonia Records. C'est une très bonne formation. Motorhead, évidemment, les légendaires. Et maintenant, défunt Motorhead et Bomber, tiré de l'album... un album qui a été tiré sur différents spectacles. Clean Your Clock, qui est paru le 27 mai dernier. C'est malheureusement la dernière parution en date d'aujourd'hui de Motorhead. Je suis pas prêt à dire qu'il n'y aura pas des albums à titre posthume, des inédits, ainsi de suite. Là, c'est souvent le cas. Mais c'est la dernière parution de Motorhead... qui laissait présager par la voix très éteinte de Lemmy, le manque d'énergie flagrante, que c'était malheureusement à la fin pour ce grand du monde du rock et du métal. En fait, il n'a jamais accepté de dire qu'il était un groupe métal, mais bien « Well, Motorhead and we play rock and roll ». C'est effectivement ce qu'il faisait. Juste avant, Anthrax, formation américaine, bien entendu, et la pièce Evil Twins, qui est tirée de leur dernier album For All Kings, qui était leur 12e paru le 19 février dernier sur Megaforce. Juste avant, nous avions Exhumer, formation allemande, et Brand of Evil, qui est tiré de Raging Tides, qui est paru le 29 janvier 2016, c'était le 4e sur Metal Blade. Et Exhumer, contrairement à ce que je reproche souvent au groupe Thrash Metal qui veulent refaire l'esprit des années 80, ben eux étaient des années 80, formés en 1985, ils ne recréaient rien, ils faisaient simplement ce qu'ils avaient fait, ou à peu près pour toujours, depuis toujours, qu'est-ce que je dis là. Par contre, ce qu'il faut savoir avec eux, c'est que il y a eu certaines pauses à travers leur carrière. 85-91 étaient actifs, mais il y a eu une pause de 10 ans par la suite. Ils sont revenus en 2001, pour refaire dodo encore jusqu'en 2008, jusqu'à actuellement. Bref, ça explique possiblement le nombre d'albums qui est relativement restreint, c'est-à-dire 4 pour Exhumer. Et on a ouvert avec information suédoise The Resistance et l'excellente I Welcome Death, du très bon album Coup de grâce, qui est leur deuxième dernier. Oui, c'est leur dernier, puisque la formation s'est séparée il y a peu de temps. C'était paru le 22 janvier 2016 sur Air Music. On va aller faire un... J'ai effectivement trois nouveautés pour vous ce soir. Des nouveautés qui sont parues il y a environ, je dirais... une semaine à 10 jours. Je n'ai pas pu le faire avant parce que, bon, ayant manqué une émission il y a 2 semaines... je me devais la semaine dernière de terminer les rétrospectives, la Retro Undead 2016, donc c'est ce qui décale, mais bon, contrairement à la croyance populaire, un album qui a 2 semaines, c'est pas nécessairement une vieillerie. Un album qui a 1 semaine ne l'est pas, là encore moins, donc on peut considérer que c'est encore des nouveautés. Mais avant d'explorer ces nouveautés, j'ai préparé un beau petit bloc death metal relativement brutal, je dois dire, dans lequel on va retrouver entre autres les formations italiennes Aid, ainsi que formation Sinister. Mais débutons tout de suite avec Crescent, une pièce tirée de leur dernier album paru en 2015 sur Forge and Fire. L'excellente pièce, pièce Ways of Barbarism. Let's go. Hey, what's up everybody? This is Alex with Crimson, and you're listening to Dr. Pain, Pendragon on CFOU 89.1 FM. but anybody who was dead scared the wits out of them. Thank you.

partenaire de la radio CIFOU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan présente plusieurs événements culturels en Mauricie. Tu es passionné? Tu aimes quand ça bouge? Pour savoir tout ce qui se passe et où ça se passe, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. C'est fou! Comme la vie est belle! Je suis Belle Emmanuelle et les mercredis à 13h, vous m'envoyez vos messages et vos questions et je vous réponds avec une chanson. Soyez là pour répondre avec une chanson sur les ondes de C'est fou! Voici une suggestion de nouveauté à ajouter dans ta playlist. La voix de ton GPS, c'est celle de Walt Disney. Ton instinct, c'est Essaye Chevy Chase, le deuxième album de Rouge Pompier. Les sols volume à 11, puis va voir leur clip sur YouTube. Chevy Chase est disponible maintenant, en CD, en vinyle, puis en ligne. 89 FM. 20h09, presque 10 minutes, et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation The Undead Incorporated Show. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. On vient d'entendre, avant cette extraordinaire et succulente pause publicitaire, la formation italienne Aid, et non moins succulente pièce, soit 6000 Crosses, qui est tirée de leur deuxième album Spartacus, qui est paru en 2013 sur Blasted Recording. On sait que Aid nous a donné un album vers la fin de l'année 2016 qui est tout aussi intéressant. Une autre formation italienne, en fait, je dois dire que cette semaine, l'Italie va être un petit peu à l'avant-scène. Formation Hour of Penance et la pièce Resurgence of the Empire, qui est tirée sur leur sixième album, Regicide, qui est paru le 27 janvier. Qui est parlé en 2014, je reviendrai avec le 27 janvier. On va entendre Hour of Penance tout à l'heure, en fait dans peut-être une dizaine ou une quinzaine de minutes pour le nouvel album. Nous avions juste avant Sinister, formation des Pays-Bas, et la pièce The End of All That Conquers, qui est tirée de l'avant-dernier album, studio complet, puisque... Dark Memorials voulait une espèce de reprise de différents covers de groupes métal, soit l'album à l'instant de Post Apocalyptic Servant, qui était leur 11e paru en 2014 sur Massacre Records. Nous avons ouvert le groupe, je voudrais dire le bal, avec Crazyon, formation brésilienne, évidemment. Ben, évidemment, c'est pas évident pour tout le monde, mais pour ceux qui les ont vus, oui. Ways of Barbarism, qui est tiré de leur dernière apparition également, Forge in Fury, qui est paru en 2015 sur Century Media. C'était leur 10e album studio complet en carrière. La première présentation de nouveautés de la soirée, c'est une formation qui vient de Malte, bien sûr, c'est aussi l'Italie. Hein. Je parle de Beheaded. Une formation qui donne évidemment dans un death metal, et la chronique que j'en ai fait sur le site de réanimation ad.com, hein, blog, eh bien je débute en disant que l'Italie est très très en effervescence depuis un certain nombre d'années au niveau des groupes, principalement au niveau du death metal. Ils ont de très très bons groupes et Beheaded n'y fait pas exception, bien entendu. Je sais que mon ami DJ Tower of Death a présenté cet album il y a peu de temps je me rappelle pas si c'est lors de sa dernière édition de Subversion ou l'avant-dernière. Je pense qu'il y avait des bons mots aussi pour cette nouvelle parution. Donc, Beast Incarnate est le nom de ce nouvel album qui est paru le 27 janvier dernier sur Unique Leader. Je vous propose d'aller écouter deux pièces. Et chose intéressante, en fait, il y a un lien entre Beheaded et Hour of Penance, puisque c'est Brutal Dave qui en est le batteur pour les deux groupes. Donc, si vous retrouver un aspect qui vous est, je dirais, familier au niveau de la percussion, c'est normal, c'est Brutal Dave. Allons-y immédiatement avec deux pièces tirées de Beheaded. Let's go! Yeah. Wow, Beheaded. Deux pièces tirées de ce nouvel album, ce cinquième. C'est très peu productif, Beheaded, par contre, puisqu'ils existent depuis 1991. C'est seulement leur cinquième album, mais bon, ça vaut la peine. Beast Incarnate, qui est paru le 27 janvier dernier. Tout à l'heure, en début d'émission, lorsque je disais des nouveautés qui datent d'une dizaine de jours, ben en fait, c'est ça, ils datent tous du 27 janvier, donc 10 jours, c'est pas si loin que ça. On vient d'entendre The Horror Breath, qui est vraiment une pièce très, très intense. Et c'était précédé de Beast Incarnate, la pièce titre de Beheaded. Ce que je pourrais en dire, c'est que c'est la puissance même. C'est très intense. Par moments, ça me fait penser un peu à l'intensité de Behemoth. Et les intonations vocales me rappellent aussi à l'occasion, je dois dire, David Vincent de Morbid Angel. Donc, c'est un heureux mélange. J'aime énormément cette formation Beheaded, formation de Malte. Non, comme la céréale, bien entendu. Donc, c'est certain qu'au au fil des prochaines semaines, vous allez réentendre Beheaded. Et je vais aller rescruter en arrière. Je me rappelle pas trop. Je crois en avoir un ou deux autres, mais... ça doit être parce que j'en ai pas assez que je m'en rappelle pas. Bon, ben en tout cas, de toute façon, je me propose de vous en rediffuser. Allons faire un petit tour du côté... ben, en fait, oui, musicalement parlant, la semaine prochaine, je me propose de vous présenter la formation allemande Star of Madness et leur nouvel album The Truth Beneath. Ça, c'est pour les amateurs, entre autres, de des groupes tels que Grave. Donc, ça devrait plaire à certains d'entre vous. Il y aura aussi la présentation du nouvel album Sepultura, qui est plus ou moins nouveau, mais que j'ai écouté sur le tard, que j'ai trouvé assez intéressant, je dois dire aussi. Donc, la semaine prochaine, il y aura ça, entre autres, à l'émission. Côté cinéma, ben, ça fait longtemps que j'ai pas fait une chronique proprement dite, comme se veut traditionnellement, comme je dois la faire... Ben, je dois, non, je dois pas, mais comme j'aime la faire traditionnellement à toutes les éditions de réanimation, ben, présentement, en salle, ce qui pourrait peut-être être intéressant, quoique, ben, j'ai un certain doute, il s'agit d'un remake, c'est Rings. Donc, si vous vous rappelez du film The Ring ou Ringo en sa version japonaise originale, qui est un excellent film, on en a fait un remake qui semble être, dans selon le synopsis, relativement la même chose. Donc, c'est à voir. Film que j'ai écouté il y a quelques jours et j'avais énormément d'attentes pour ce film. C'était le dernier film de Denis Villeneuve, qui est un cinéaste, je dois le dire honnêtement, vraiment... C'est quelqu'un qui sait faire sa marque aussi au niveau du cinéma international. C'est un gars de la région de la Mauricie, ou d'une certaine façon, de Bécancour. C'est Arrival qui met en vedette Amy Adams et Jeremy Renner, ainsi que Forest Whitaker, et qui est un film de science-fiction qui raconte l'avènement d'extraterrestres sur Terre. À bord d'immenses vaisseaux qui me font penser à des demi-amandes. Là. C'est un peu bizarre là, comme représentation physique du vaisseau, mais bon. C'est un film que à peu près tous les sites spécialisés et les journalistes et chroniqueurs de cinéma s'entendent pour dire que c'est vraiment un excellent film. D'ailleurs, il est en nomination aux Oscars. Eh bien, j'ai tendance à faire bande à part au niveau de plusieurs choses avec plusieurs, contrairement à plusieurs autres. Et j'ai trouvé le film original, j'ai trouvé le film correct, mais je n'ai pas été emballé. Il n'est pas venu me chercher autant que j'aurais cru qu'il aurait pu le faire, selon surtout ce que j'avais entendu dire et les proches autour de moi qui avaient vu le film. Arrival, c'est un film qui est fort correct, qui a, comme j'ai dit, une bonne dose d'originalité, mais pour moi, c'est pas un film qui aurait été extraordinaire. Je lui laisse la chance. Je vais le voir une deuxième fois. Peut-être que cette fois-ci, il saura m'éblouir un peu plus, mais bon. Série télévisée vraiment extraordinaire. La première saison de Channel Zero, qui est un grand mélange d'horreur et de fantastique, qui est une réalisation de Nick Antosca. C'est vraiment très bon, Channel Zero, je vous le conseille. Vous le décrire serait probablement vous mêler. Donc, je préfère que vous écoutiez la série, qui est vraiment très bonne, qui est très étrange aussi, je dois dire. Ça aussi, c'est très original, Channel Zero. Une autre série que j'ai découvert, c'est sur le conseil de mon ami Rockmaster. C'est une série de la première saison de 2015, qui est une série à tendance thriller criminel, qui met en vedette David Duchovny. C'est Aquarius, qui est une série de John McNamara, et qui met en scène l'agent Sam Odiak dans les années 60, un sergent de police qui traque Charles Manson. C'est basé sur des faits réels, mais c'est très, c'était rendu très fictif d'une certaine façon, parce qu'on y a ajouté beaucoup d'éléments qui sont non vrais. Mais ça fait une excellente série, et on se replonge dans les années 60 à l'époque de ce fameux Flower Power, des communes, principalement celle de Charles Manson, The Family. C'est vraiment très, très bien fait. C'est très bien interprété. Duchovny est vraiment excellent dans son rôle de Odiak. Celui qui interprète Manson, je crois qu'il s'appelle Gathin Anthony, est vraiment excellent aussi. C'est pas la ressemblance frappante au physique en tant que tel, mais l'attitude est vraiment pour ce qu'on peut en connaître, là, parce que je connais pas grand monde qui ont côtoyé Charles Manson. C'est peut-être une bonne chose aussi, mais l'idée et l'image qu'on nous en a projetée est assez bonne. Donc Aquarius, c'est excellent. Je vais m'attaquer à la deuxième saison sous peu. Malheureusement, elle est retirée après deux saisons, donc elle sera possiblement incomplète, et c'est fort triste parce qu'il y a d'excellentes productions comme ça qui sont boudées par, je dois le dire, ceux qui attendent des choses qui sont plus mâchées à l'avance, là. Mais des séries comme ça qui demandent d'avoir un petit peu plus de présence intellectuelle sont souvent boudées, et c'est malheureux. Bref, Aquarius, c'est excellent. Un film de 2014 que j'ai découvert dans la période des fêtes, c'est Dark Was the Night, qui est un film d'horreur qui met en vedette Kevin Duran. Et c'est très original comme film, je dois le dire. C'est un film qui frise peut-être la série B. C'est pas une très grande production, mais c'est vraiment très bon comme film. C'est original. C'est un film de créatures monstrueuses, ce qui en soi est relativement commun comme film, mais c'est très bien apporté. On nous amène un aspect suspense dedans qui est fort intéressant. Donc Dark Was the Night, c'est un film à voir. Le deuxième, Jack Reacher, soit Jack Reacher Never Go Back, qui est paru vers la fin de 2016 et qui est un film d'action qui met en vedette Tom Cruise. Ben, le premier Jack Reacher, j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme film d'action. C'était vraiment bien, c'était bien amené, il y avait de l'originalité. Moi, j'ai toujours trouvé que Tom Cruise était un bon acteur. C'est encore bon, Jack Reacher Never Go Back, mais je pense que l'effet de surprise est un petit peu dissipé par rapport au premier. Mais c'est un film d'action qui s'écoute très bien, qui est très distrayant. Inferno, un thriller connotation fantastique, un film de Ron Howard qui, c'est le troisième inspiré par comment il s'appelle, Robert Schreller. J'ai un blanc de mémoire de cet auteur. Je m'en rappelle plus. Faudrait que je vais le chercher, mais peu importe. Ça met en vedette Tom Hanks. Et c'est les aventures, effectivement, de Robert Langdon, qui cette fois-ci devra, il est différent, ce film. Il est différent des premiers, qui étaient très, très, très mystiques. Ici, Dan Brown, voici le nom de l'auteur de ses livres, Dan Brown. Différent, oui, et moins bon aussi, possiblement, selon moi. On doit empêcher les enfers de se déchaîner. Ben, le sujet est intéressant, mais dans la façon où c'est apporté, il est moins prenant et moins captivant que ses prédécesseurs. C'est correct, mais il y a un peu moins l'aspect mystique dedans qui était très, très exploité par les premiers. Da Vinci Code et Ange et démon, je crois. C'est un film qui est divertissant, sans l'ombre d'un doute, mais qui a peut-être une petite saveur un peu plus fade par rapport aux deux premiers. Un excellent film d'action, par contre, connotation thriller, c'est The Accountant, le comptable qui met en vedette Ben Affleck. Ça, c'est vraiment un très bon film et très original. et qui met en scène un Ben Affleck qui joue le rôle d'un comptable excessivement doué pour les chiffres, les mathématiques, puisqu'il est très focusé étant autiste. Et il se fait employer par diverses factions criminelles pour faire du blanchiment. Et finalement, ben, il est confronté à son frère qui le croyait disparu. Lorsque sa mère étant jeune, elle a carrément déserté le foyer familial et les a abandonnés. Et il retrouve ce frère qui est justement passé du côté obscur de la force. Et c'est la dualité qui est entre les deux, mais c'est vraiment bien. Il y a de l'action, effectivement. Et je dois dire que Ben Affleck est vraiment excellent dans son rôle de comptable qui légèrement, je ne dois pas dire c'est très grave, mais qui est légèrement autiste. Très bon film, The Accountant. Deepwater Horizon, j'attendais de voir ce film-là avec beaucoup de hâte, qui est un film, qui est un drame, qui est un film d'action, qui a connotation historique, qui est un film de Peter Berg, qui met en vedette Kurt Russell et Mark Wahlberg, qui raconte l'histoire de la plus grande catastrophe pétrolière de l'histoire sur la plateforme de Deepwater, où il y a eu une énorme catastrophe, en plein océan du golfe, ben, en fait, dans le golfe du Mexique. Ben, c'est vraiment très bon, Deepwater Horizon. C'est un film qui est très spectaculaire, très grandiose, mais qui raconte une véritable tragédie. Donc, moi, je vous le conseille. C'est vraiment captivant comme film. J'ai écouté le remake de Blair Witch Project, qui porte un nom simplement de Blair Witch, qui est un film d'horreur de Adam Wingard. J'avais pas aimé l'original dans les années 90. Et je peux vous dire que celui-ci, selon moi, a été à peine pour moi, personnellement, plus captivant, mais vraiment à peine. Donc, j'ai pas vraiment apprécié Blair Witch. Par contre, quelque chose de surprenant, c'est Ouija, The Origins. C'est un film d'horreur, bien entendu, avec une connotation hantise. Et c'est le troisième du lot qui se reporte en 1965, alors qu'une veuve et ses deux filles exploitent la naïveté des gens avec une fausse identité de médium. Tout est truqué, mais finalement, évidemment, le jeu Ouija qui est en ligne de compte va tout foutre en l'air. Et je dois dire, les deux premiers, je vais trouver ça mais vraiment minable, alors que celui-ci, j'ai trouvé très divertissant. Donc, une recette qui a été remaniée, très améliorée. Donc, Ouija The Origins, c'est un film qui est intéressant. Bon, voici, c'est fini pour le cinéma. C'était long, j'en conviens, je m'en excuse. Ben, pas du tout, en fait, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Deuxième parution de nouveauté, formation italienne Hour of Penance, l'heure de la pénitence. Et leur septième album qui est paru le 27 janvier sur Prosthetic, soit Cast the First Stone. Ben, c'est tout simplement très bon si vous êtes amateur de death metal à connotation, je dirais, comment je pourrais dire, conceptuel, voilà. Ben, Hour of Penance, jusqu'à présent, moi, les sept premiers albums, les six premiers albums, incluant ce septième, je les trouve tous très bons. Et je vous propose d'écouter trois pièces immédiatement tirées de ce dernier album, Cast the First Stone. Hour of Penance, let's go! 89.1. Fiers partenaires de la radio CIFOU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça se brasse? Pour savoir où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Circuit des étudiants. Affiche ta fierté UQTR. Du 14 au 16 février 2017, publie le mot-clé que futur diplômé UQTR au singulier, sans accent, accompagné d'une photo qui représente ta fierté d'être un futur diplômé. 3 prix à gagner. 2 bourses de 250 $ offertes par la Fondation de l'UQTR et une Apple TV accompagnée d'une carte iTunes d'une valeur de 250 $ offerte par TD Assurance Meloche Menox. Une présentation du Bureau des diplômés de l'UQTR. Vous êtes qui vous vous assumez? Le Mathieu Planchon aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Planchon avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. C'est fou! Comme la vie est belle! Je suis Belle Emmanuel et les mercredis à 13h, vous m'envoyez vos messages et vos questions et je vous réponds avec une chanson. Soyez là pour répondre avec une chanson sur les ondes de C'est fou! C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. L'émission tire à sa fin. On vient d'entendre avant la pause publicitaire 3 pièces tirées de cet excellent album Cast the First Stone de la formation italienne Hour of Penance, les Romains Hour of Penance. Wall of Cohorts, juste à l'instant, qui a, je ne sais pour quelle raison, eu une fin abrupte. Bref. Juste avant, Iron Fist, et c'était ouvert par la pièce-titre Cast the First Stone. C'est un très, très bon album. Pour ceux qui aiment le genre Death Brutal, comme vous avez pu le voir, conceptuel, ben, je vous le recommande beaucoup. D'ailleurs, je sais que mon Gobelin de Sinistros a beaucoup apprécié aussi cet album, et pour cause. Et à l'époque, je me rappelle que je crois que c'était lui qui m'a fait connaître la formation. Merci, Sinistros. Ce vendredi, je vous rappelle que pour les amateurs de vrai rock, les vrais amateurs de vrai rock, c'est Rock Classique dès 11h sur les ondes de C'est fou, ici même en compagnie du Rockmaster, qui va faire cavalier seul cette semaine sans son partner. C'est moi, ça. Et Alain vous présentera la deuxième partie du spécial 1967. C'est un rendez-vous pour les véritables amateurs de rock. On a fait la première partie la semaine dernière. Cette semaine, c'est la deuxième partie. Et il y a tout autant de bonnes choses à vous présenter. Les 67 regorge de petits trésors du rock. De 11h à 17h, rock classique. Et aussi, si vous aimez le métal, ben évidemment, vous êtes en train d'écouter Réanimation, je n'en doute pas du tout. Mais si vous voulez en avoir encore une autre dose un peu plus tard cette semaine, ben je vous invite à écouter notre ami DJ Tower of Death et sa Subversion. Subversion qui est diffusée sur les ondes d'Underground Québec les vendredis 18h30 et que vous pouvez retrouver sur SoundCloud et souvent quelques heures après la diffusion originale. Pour la balado-diffusion ou le podcast. Et si vous voulez lire des commentaires, des chroniques de toutes sortes, je vous invite à aller consulter hurlement.com, qui est le blog de Sinistros, ce pestilentiel gobelin. À peine le temps de se laisser avec une dernière présentation qui, cette fois-ci, s'adresse... Bon, là, écoutez, j'ai pas gardé le meilleur pour la fin en ce qui me concerne. C'est la formation Creator, formation allemande qui nous propose leur 14e album complet studio, Gods of Violence, qui est paru le 27 janvier également sur Nuclear Blast. Ben, Creator, moi, je me suis jamais gêné pour dire que j'adorais énormément les deux premiers albums, que le troisième ou le quatrième aussi, j'ai trouvé pas mal bien à travers ça. Il y en a eu quelques-uns que j'ai trouvé fort intéressants. Gods of Violence, pour moi, est un album qui est excessivement redondant, qui est très peu original. En fait, ça fait longtemps qu'ils ont fait le tour de la question, eux. Qui apporte rien de nouveau. Qui, probablement, pour les amateurs de ce que Creator ont fait dans les dernières années, devrait leur plaire, parce que c'est exactement la même chose, c'est la même formule, c'est le même son, le même type de composition. Pour moi, c'est beaucoup moins original que celle-là déjà été, mais je vous propose quand même d'en écouter deux pièces. Mais je vous rappelle que la semaine prochaine, bien sûr, je serai là, à moins que ce soit la fin du monde, sait-on jamais, on s'attend à tout, hein? Je vous présenterai la formation Star of Madness, une formation de death metal, la connotation beaucoup plus traditionnelle, formation allemande. Et un truc que je n'ai pas eu le temps de vous diffuser jusqu'à présent, qui j'ai découvert aussi un peu avant le retour de réanimation après la période des fêtes, c'est Valgrind, formation, une autre formation italienne, tiens, une formation de death metal avec la pièce Speech of the Flame. Je vais vous présenter ça aussi. Donc, ça va être quelque chose de fort intéressant. Et Sinister, le 24 février prochain, c'est le nouvel album qui porte le nom de Syncretism. Donc, ça va être aussi une présentation à venir pour réanimation. Donc, je disais, avant de vous laisser au bon soin de Matière Noire à 21h, ici même sur les ondes de C'est Fou, je vous laisse avec deux pièces de Creator qui sont respectivement Totalitarian Terror et World War Now. Deux pièces qui m'ont paru être, à mon goût, les plus intéressantes de l'album. C'est subjectif, bien entendu. J'entends déjà les critiques dire « Docteur, tu connais rien, Creator, c'est écœurant. » Ben, tant mieux pour toi si tu le penses. Moi, je dis que ça ne l'est plus du tout. Ou à peu près pas. Ou beaucoup moins pour être moins caustique dans mon appréciation. C'est beaucoup moins intéressant que ça l'a été, du moins avec cet album-là, Gods of Violence. Donc, je vous laisse avec ces deux pièces-là. Et d'ici là, ben, bien entendu, soyez des nôtres. C'est-à-dire moi et Horace. Je sais pas où il est parti où, là. En tout cas. Mardi prochain pour une autre édition de réanimation, 19h, et bien entendu, d'ici là, allez tous vous faire foutre. See you.